Qui est ce roi? C'est de fête. Cette fête de Jésus, Christ roi, à une période où il n'y en a à peu près plus des rois. C'est une période qui semble révolue. Hein, toutes les royautés humaines sont passées ou sont en train de passer. Il reste quelques rois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais nous avons une reine, nous, au Canada. Donc, je n'entrerai pas là-dedans. Mais nous avons une reine. Mais est-ce que c'est de ce type de roi que Jésus se réclame? Visiblement, non. Hein, ce dialogue avec, vous savez, ce texte de lire de l'Évangile, c'est un épisode qui se passe à quel moment? Eh bien, cet épisode, à peine quelques heures, avant que Jésus soit installé sur son trône. C'est-à-dire, vous savez quel était son trône? La croix. Une croix sur laquelle il a été installé. D'ailleurs, c'est intéressant, l'Évangile de Jean parle, plus Jésus approche de sa passion, plus Saint Jean parle de cette heure qui approche où il va être glorifié, comme intronisé comme roi. Mais quelle sorte de roi que c'est ça? Un petit peu twisté dans sa tête. Et il est amené, ce roi, devant Pilate, devant un homme de l'autorité humainement parlant, politiquement parlant. Les Juifs l'ont amené à lui. Pourquoi? Eux, les Juifs, n'ont pas ce pouvoir de mettre à mort sans s'attirer des problèmes des autorités romaines. Donc, il l'amène à Pilate pour une chose bien précise. C'est toi qui as l'autorité de mettre quelqu'un à mort. S'il te plaît, fais donc la job pour nous. Et Pilate, quand même, est un peu intrigué. « Qui, toi? Comment ça, ils t'en veulent tant que ça? Es-tu vraiment... Certains disent que tu es le roi des Juifs. C'est-tu vrai, ça? Certains disent que tu veux t'opposer à l'empereur romain. Es-tu une menace véritable ou pas pour l'Empire romain? Es-tu ce roi qui doit venir pour libérer les Juifs? » Et là, Jésus dit, mais tu dis ça toi-même ou parce que tu dis ça? Alors que Pilate est en train de dialoguer sur le quand dira-t-on, sur qui est Jésus, Jésus leur amène une question plus existentielle et fondamentale. Un tel peut bien dire si, un tel peut dire ça, mais toi, qu'est-ce que tu penses au fond? Et cette même question nous est posée ce soir. Un tel peut dire, roi, Jésus est Seigneur. Un autre peut dire, Jésus, c'est un petit peu là, illuminé. Ou d'autres peuvent dire, c'est un fin finot. D'autres peuvent dire, c'est un bon sage. D'autres peuvent dire, c'est un prophète. D'autres peuvent dire, c'est un bon philosophe. Et vous, que dites-vous? Qui est Jésus? Jésus semble ne pas refuser ce titre de roi. Il dit, si ma royauté était de ce monde, il y aurait eu des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux mains des Juifs et que je sois entre tes mains maintenant. Mais il dit, ma royauté n'est pas de ce monde. Et là, Pilate n'est pas fou, il comprend que si ta royauté ne vient pas de ce monde, tu dis quand même que tu as une royauté. Et là, Jésus lui dit, c'est toi qui le dis. Il ne le nie pas. Et en même temps, il nous dit, voilà pourquoi je suis venu pour rendre témoin à la vérité. La royauté que Jésus est une royauté, encore une fois, un peu spéciale, parce que souvent le roi, c'est le premier qui est servi. Tout le monde s'incline devant lui, puis il est servi. Mais Jésus, étonnamment, tout au long de sa vie publique, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient non pas pour être servi, mais pour servir. Non pas pour être servi, mais pour servir. Il dira, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. En fait, Jésus accomplir la mission du Père. Dans la prière d'ouverture, je ne sais pas si vous l'avez bien écouté, je la reprends, l'introduction de la messe. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en Fils bien-aimé, le roi de l'univers, que toute servitude renonce et te glorifie sans fin. Donc, je vais la décortiquer, une prière un peu longue. Or, Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en toi. Dieu veut fonder, veut donner un fondement solide à tout ce qui existe. Vous savez, moi, avant d'être prêtre, j'ai fait autre chose dans la vie. J'ai fait toutes sortes d'affaires. Ingénieur. Je ne sais pas si vous le savez, je vois des éléments en plus sur ma vie. J'étais ingénieur, j'ai construit plusieurs châteaux d'ailleurs. Mes frères, mes sœurs, en fait, j'avais des cartes et j'édifiais des châteaux. Je ne sais pas si vous avez déjà construit des châteaux de cartes, ça prend beaucoup d'éléments d'architecture pour que ça tienne dans l'équilibre. Le petit problème, la plupart, en fait, non pas, mais tous les châteaux que j'ai construits sont actifs. À terre, sont démolis. Un château de cartes, pas des fondements. Pourquoi je vous parle de château de cartes? Eh bien, parfois, on construit notre vie comme un château de cartes. Ça peut monter vite. Et en même temps, un petit coup sur le côté, et ploum, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que les fondations sont absentes. Parce que c'est pas plus solide qu'un château avec des cartes. Sur quoi je fonde ma vie? Sur quoi je fonde ma vie? Sur l'opinion publique? Sur Facebook? Sur mes loisirs? Sur mon argent? Sur dire de moi, si je suis beau, si je suis belle, si je suis pas fin. Sur quoi fonde mon bonheur, ma joie profonde. Dans cette prière, on dit, Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé. Dieu veut nous en proposer un fond, chose du roc. J'ai voyagé en Europe et l'une des choses qui m'a le plus fasciné, c'est justement l'architecture souvent. Spécialement dans les vieux pays, comme on dit, des villages du Moyen-Âge ou même de l'Antiquité, des maisons ancrées, attachées au roc. J'étais à Notre-Dame de Rocamadour, un sanctuaire en France cet été, et tu vois ce sacro-montagne depuis des centaines et des centaines d'années, et il est encore accroché. Son fondement est solide, c'est du roc. Un peu différent de mes shots. La question, sur quoi je fonderai ma vie? Eh bien, Jésus est un fondement. Jésus, il vient nous apprendre, il vient rendre témoignage. Cette vérité qui n'a pas toujours bonne presse. D'ailleurs, est-ce qu'elle existe? C'est une bonne question. Pilate posera la question. La vérité? Quelle vérité? Quand Jésus, le passage, le verset qui suit juste après, Pilate répond, j'ai venu en témoignage à la vérité, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi la vérité? Et puis il s'en va, il écoute mes réponses. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'il y a une correspondance entre les paroles dites et ce que j'expérimente dans la vie? Et Jésus veut que ça colle, que ce que je pense, que je vis, que ça soit unifié. Et me rendre heureux. Mais pour qu'il y ait de la joie véritable, il faut qu'il y ait de la justice entre nous, dans nos relations. Il faut qu'il y ait de la paix. Mais pas une paix fausse. Vous savez, on entend comme moi les nouvelles, on parle à chaque jour des tourments sociaux là, de part et d'autre, de politique, les troubles qu'il y a eu en France, en Belgique et en Orient. Quels sont les ingrédients de la paix? Pourquoi c'est si compliqué d'avoir la paix? Jean-Paul II, pas de paix sans justice. Donc s'il y a des conflits à la base, c'est qu'il y a des injustices commises. et attention les autres qui commettent les injustices. Des fois, c'est nous. C'est trop facile de juste pointer les autres. Détruisons-le, puis on va être tranquille. On l'a entendu souvent, des fois, cette semaine. OK. Est-ce que moi, je détruis quelqu'un? Est-ce que je suis sûr de faire une injustice en détruisant? J'écoutais à la radio cette semaine, un militaire américain racontait qu'il a piloté plusieurs attaques avec les drones. Vous savez, les drones, c'est ces intelligents, là. Mais il est resté traumatisé de ça. Pourquoi? Parce qu'il dit plusieurs fois, on a raté la cible. C'est pas des terroristes tués plusieurs fois, c'est des civils. Et une fois, c'était même un père de famille, une mère de famille, et ils voyaient les enfants tourner autour de leurs parents, crier. Est-ce que c'est toujours les autres qui font des erreurs? Peut-être nous. Encore une fois, bon, ça on peut dire, ben ça c'est vrai, c'est les méchants maintenant, c'est vrai que c'est plus nécessairement les autres, c'est nos armées. Attention! Est-ce que c'est juste nos armées qui sont les méchants? Et est-ce que ça se peut qu'il y ait des choses pas correctes dans notre cœur? Demandons le courage de regarder avant de regarder l'autre. Est-ce que Jésus est vraiment roi avec sa justice dans ma vie? Est-ce qu'il est vraiment roi dans mes paroles? Des fois, j'en dis pas des bêtises avec mangue. Est-ce que des fois, j'en pense pas des affaires pas tout à fait droites? Aujourd'hui, Jésus nous propose une chose, une libération. En la deuxième partie de la prière d'introduction, qu'est-ce qu'on demande? Toutes les lions libérés de la servitude. Hein, la servitude, ça vient du servus, en latin, servus. Seigneur, libère tout esclavage. Chose qui nous enchaîne, c'est pas tant les politiques. Souvent, c'est nos passions qui nous enchaînent. Des fois, c'est ma jalousie qui me tient au cœur, ou ma colère, ou mon envie, ou mes impures, ou ce que vous voulez. Peu importe, mais on a toute une petite chaîne agaçante qui nous tient intérieurement. Mais la question est de voir où tu te plais avec ta chaîne. Aimes-tu ça de promener à ta chaîne? Le Seigneur dit, quiconque s'approche de moi, en vérité, je veux le libérer. Pas d'abord intérieurement, d'abord intérieurement. Le libérer, vous savez, c'est un mot qu'on ne comprend plus trop le sens, là. Ça veut dire rater la cible. Hein? Mon acte rate la cible du bonheur. Est-ce que je veux être libéré de cette tendance que j'ai tout le temps à tirer à côté? Pourquoi je fais bien que je mal que je ne voudrais pas? Notre cœur est blessé, notre volonté. Eh bien, bonne nouvelle, nous dit. Veux-tu que je t'aide? Veux-tu que je te donne mon Esprit Saint? Parce que ma royauté, c'est un paix. De paix intérieure, c'est une paix autour de toi. Dans ta suite, souhaitons-le dans nos sociétés. Mais où tu veux te débrouiller tout le temps tout seul. Le Seigneur nous propose ce soir son aide. Mais pour ça, il a besoin, c'est pas un tyran, il n'agira pas dans notre vie si on ne laisse aucune place. Il s'impose pas et il respecte ce cadeau-là qu'il nous a donné parce que c'est qu'on est son image. On est libre. Comment il nous demande, veux-tu que je t'aide? Je peux dire, on va me débrouiller tout seul. OK. Il va nous laisser. Mais je peux dire, ouais, ça fait pas mal de mois que je peine avec cette petite. OK. S'il te plaît, aide-moi. Aide-nous à nous entendre. Aide-nous à établir la paix. Apprends-moi à aimer. C'est un prêtre français dès maintenant. Il disait, tu le veux, apprendre à aimer. Tu le veux. Est-ce que je veux apprendre? Seigneur, ce soir, je me tourne vers toi. Al, je vois bien, et pas juste chez les autres, et parfois aussi en moi. Et je peine à le sortir de mon cœur, mal, Seigneur. Oui, sois Seigneur dans ma vie. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je fasse plus de bien que de mal. Donne-moi d'être artisan comme toi-même. Tu as été un artisan de paix en donnant ta vie pour nous. Amen.